Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le frère André, l'humble portier devenu saint. C'est le pape Paul VI qui a reconnu en 78 le frère André comme vénérable. Le pape Jean-Paul II n'a fait un bienheureux. Puis finalement, un troisième pape, le pape Benoît XVI, qui en fait un saint, qui est présenté maintenant à toute l'humanité. Le chemin du frère André vers la canonisation aura été long, comme le rappelle dans cet extrait le cardinal Jean-Claude Turcotte, le 19 février 2010, le jour même où le pape Benoît XVI annonce la canonisation du frère André. Simple portier au Collège Notre-Dame de Montréal, le frère André vouera toute sa vie un véritable culte à Saint-Joseph, et c'est vers lui qu'il dirigera les malades qui viendront le voir dans l'espoir d'être guéris. Le frère André nourrira aussi un grand rêve tout au cours de sa vie, la construction d'une basilique dédiée à la gloire de Saint-Joseph. Ce rêve va se réaliser avec la construction de l'oratoire Saint-Joseph. Je le voyais prier très tard le soir. Je voyais cette chambre, je pouvais entendre les grains de son chapelet sur le lit de fer sur lequel il prenait son repos. Or, un jour, je lui ai dit, « Frère André, il me semble que vous pourriez vous coucher plus tôt, vous êtes âgé et vous avez besoin de sommeil. Pourquoi priez-vous si longtemps? » Il me répondit, « Père, si vous saviez quels sont les besoins de toutes ces âmes qui viennent à moi, vous ne me diriez pas cela. » J'ai compris que s'il faisait du bien au corps, sa grande ambition, c'était de rendre service aux âmes. Le père Émile de Geer, lors d'une émission diffusée en 1962 à l'occasion du 25e anniversaire de la mort du frère André cette année-là, pour nous accompagner sur ce long chemin qui va conduire le frère André de simple portier à saint. Mon invité est Françoise de Roy-Pinault, qui a signé la biographie « Frère André, un saint parmi nous ». Françoise de Roy-Pinault, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur la place qu'il occupe aujourd'hui, le frère André, dans notre imaginaire collectif. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette figure du frère André chez nous? Tous les gens qui s'appellent André et qui souvent sont nés alors qu'ils vivaient encore ou quelques années plus tard, tellement la vénération pour ce petit frère de rien du tout était grande parmi les Québécois. Et je me demande des fois si c'est pas une revanche des petits sur les grands. Un ami me disait, le frère André, c'est David contre Goliath. Et nous sommes tous des petits David. Ouais. On est petit et il a réussi à transformer sa petitesse, si l'on peut dire, grâce à son talent de compassion, en outil pour rejoindre les gens, les aider autant qu'il le pouvait, alors qu'en fait il ne pouvait rien du tout. Mais en dedans de lui-même, il trouvait une immensité mystérieuse et communicable. Ouais. Parlons des origines, parce que ça a été difficile pour lui. Parlons de son enfance, de sa jeunesse. Il naît en 1845. Son véritable nom est Alfred Bessette. De quel milieu est-il originaire, Françoise de Roy-Pinault? Et quel genre d'enfance et de jeunesse il va avoir, le frère André? Alors, il est le énième enfant d'une famille de 12 ou 13 enfants. Le neuvième, je crois, un des plus petits. Ses parents sont pauvres. Le père est bûcheron, menuisier, comme Saint-Joseph. Et le père meurt en abattant un arbre, comme ça peut arriver. La maman est complètement dépourvue, démunie. Elle meurt 2 ans plus tard de tuberculose. Et les enfants sont dispersés. Le petit Alfred a une très mauvaise santé. Et on ne sait pas quoi faire de lui. Un oncle et une tante s'occupent de lui, mais ils ont déjà des enfants, ils ont des filleuls dont ils s'occupent. On s'en débarrasse et il passe d'une famille à une autre qui veut bien le recevoir. Ouais. Il va à l'école quand quelqu'un peut lui payer l'école. Et donc il apprend à peine à lire et à écrire. Et il gagne sa vie parce qu'il est courageux, il gagne sa vie en faisant des petits métiers les uns après les autres. Cordonnier, forgeron, bien sûr, il ne reste pas longtemps forgeron parce qu'il n'est pas grand ni fort. Il est tout petit. Ouais. Il est tout petit, il n'a pas de force. Frêle. Il ne fait presque rien, mais on l'aime bien. Ouais. Et donc, petit à petit, il va se retrouver donc à la congrégation de Sainte-Croix, mais ce sera pas joué d'avance pour lui. On écoute à ce propos le père Bernard Lafrenière à l'émission Présent le 6 janvier 1987. Le frère André, c'est un paysan du 19e siècle, un jeune homme sans instruction, qui n'avait pas de santé, qui n'avait pas de métier, pas d'argent, qui avait été orphelin de père à l'âge de 9 ans, de mère à l'âge de 12 ans, donc qui avait été adopté par d'autres familles, qui avait travaillé aux États-Unis pendant 4 ans. Donc un homme pauvre qui est surtout très faible de santé. Lorsqu'il s'est présenté au noviciat, on l'a accueilli avec beaucoup de charité, mais après un an, lorsqu'il a demandé pour faire sa profession religieuse, le conseil provincial l'a refusé en craignant qu'il devienne un fardeau pour la communauté. Alors, devant ça, le maître de novice est intervenu en disant « Si ce garçon-là n'arrive pas à travailler, il sera sûrement très bien prié. » Et c'est la seule raison qui a fait qu'on l'a accepté. Donc, ça a été très, très difficile. Il s'en est fallu de peu qu'il ne puisse entrer, Françoise de Roy-Pinault, à cette congrégation de Sainte-Croix. Il aura la blague, d'ailleurs, toute sa vie. Le frère André va d'ailleurs dire à la blague que quand il est entré en communauté, ses supérieurs l'ont mis à la porte, puisqu'il sera portier. Il y est resté 40 ans. Mais vraiment, on le voit bien, là, cette enfance déjà très, très difficile, ça le suit, puis il entre, mais de très, très peu. Il est admis de très peu dans cette congrégation. Ah oui, sur la pointe des pieds. Ouais. Sur la pointe des pieds. On l'admet quand même. Et il frappe les confrères par la manière héroïque dont il a accepté le refus. Il devait partir. Il ne se met pas en colère. Il prie, il reste calme et il continue son petit bonhomme de chemin. Et ça, les autres sont soufflés. Il aurait pu rouspéter, il aurait pu ne plus être souriant, il aurait pu être abattu. Oui. Pas du tout. Encore là, il y a quelque chose, je reviens à ce que vous nous disiez au tout début, quelque chose d'inspirant dans la démarche et dans l'attitude de cet homme. Il va effectivement être mis à la porte, il sera portier pendant 40 ans. Portier au Collège Notre-Dame, comment devient-il, comme simple portier, si populaire? Le portier, dans n'importe quelle organisation, est un personnage central auquel on ne fait généralement pas attention. Le portier, c'est celui qui invite les gens à rentrer ou à ne pas rentrer et qui surveille toutes les sorties. Alors, dans un collège, c'est très important, n'importe qui ne doit pas rentrer, les gamins ne doivent pas sortir si ce n'est pas le bon moment. Le portier est essentiel partout. Donc, il est là, personnage essentiel et invisible. Et il a, en plus du rôle qui est le sien au départ, une qualité de contact qui attire les gens à lui. Il connaît tout le monde et il retient tout. Il sait comment est habillé un tel, qui est la mère ou la grand-mère de tel élève. Il le sait et il ressort son savoir à bon escient. Donc, les gens l'aiment beaucoup. Parce qu'il sait où se trouvent les gens quand on lui demande, ouais. Il sait comment faire pour les retrouver, et il attire l'attention, la bienveillance, on le recherche. Il devient confident aussi, les gens petit à petit se confient, et c'est là où il va prendre son véritable rôle. Mais oui, il devient confident parce qu'il faut bien faire patienter les gens. Alors il les écoute, il n'a pas besoin de parler, il suffit de poser la bonne question et le reste suit. Ouais. Les gens le recherchent. Et ça va lui coûter cher. Oui, ouais, parce qu'il devient vraiment populaire. Ça devient une espèce de problème. On évoquera entre autres, puis on y revient dans un instant, mais même des questions, parce que les gens malades viennent le voir, des questions de santé publique vont être évoquées. Mais il commence à déranger, effectivement, le frère André. On commence à parler de lui, de ses dons de guérisseur. Certains vont le traiter de charlatan, de vieux frotteux, on aura cette expression. Si bien que sa hiérarchie va, à un moment donné, lui demander de recevoir sa visite à l'extérieur du collège, tout près, dans une nouvelle gare de tramway. Frère André, désormais, vous ne recevrez plus les malades durant les heures de parloir. Même si le comité d'hygiène ne vous a fait aucun reproche après enquête, même si votre archevêque ne s'oppose pas vraiment à vos pratiques, je me vois dans l'obligation de vous demander de recevoir vos malades à l'extérieur du collège. Servez-vous de la nouvelle gare de tramway de l'autre côté de la rue, au pied de la montagne. Comme ça, vous ne dérangerez personne, vous comprenez? Bien sûr, vous comprenez. Oh, dites-moi, frère André, pourquoi diable votre statue de Joseph ne tourne toujours le dos, comme si elle regardait le Mont-Royal par la fenêtre? Pour tous ceux qui ne marche pas, qui n'entrent jamais dans la danse, ou qui ne font que quelques pas sur des béquilles d'espérance. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui habitent le silence, qui crient l'amour avec leurs doigts comme des mimes de malchance. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu. Extrait de l'opéra Le Portier, le frère André en chanson, qui a été créé en 1984 par Marcel Lefebvre et Paul Baillargeon. Qu'est-ce qui dérange tant la hiérarchie cléricale, Françoise de Roy-Pinault, dans les activités du petit frère André? Le petit frère a un contact avec tout le monde, notamment les gens de rien, comme on dit, mais aussi avec des gens puissants. Mais c'est très embêtant. Il n'est rien du tout. Un frère, c'est moins qu'une sœur, c'est en bas de la hiérarchie. Et puis toute cette hiérarchie au-dessus de lui reçoit moins d'attention de la plupart des gens. Leur vanité en prend un coup. Ouais. Et il y aura toutes sortes de prétextes. On évoque des questions de santé publique parce qu'on se dit, il est au collège, il reçoit tous ces gens, des gens malades, contagieux possiblement. On va évoquer toutes sortes de raisons pour lui dire, non, non, frère André, allez donc un peu plus loin recevoir votre visite. Oui, oui, oui. Mais les gens viennent quand même. Ouais. On lui dit, ben, débrouillez-vous pour trouver de l'argent pour ceci, pour cela. Et il en trouve. La construction du premier oratoire, c'est incroyable. Parmi ses nombreuses charges, il coupait les cheveux des enfants. Et les enfants lui donnaient un sou. Un jour, un garçon qui lui dit, écoutez frère André, si vous voulez de l'argent pour construire votre chapelle, mon père il va vous en donner, mais obtenez-moi la permission de sortir. Le frère André lui obtient la permission de sortir. Et le père en question, qui était marchand de bois, a fourni tout le bois gratuitement pour construire le premier oratoire. La première chapelle, la première chapelle. Effectivement, ce projet-là, puis on va y revenir, mais va s'échelonner sur de très, très nombreuses années. Oui, mais enfin, connaîtra plusieurs étapes. Oui, tout à fait, mais au début, il n'avait pas le droit. On lui dit, pour ne pas lui dire non, trouver l'argent et trouver la main-d'œuvre. Oui. Il trouve l'argent et le frère menuisier le construit. Les dons de guérisseurs, les premiers cas, les premières rumeurs, ça arrive quand? Lui, il va toujours se défendre, d'ailleurs. Il va toujours se défendre. Ouais. Alors, il y a un de ses collègues qui se fait une blessure, qui ne guérit pas. Et frère André lui dit, pendant 9 jours, vous allez, c'est ça, son grand traitement, de l'huile de Saint-Joseph. Vous allez vous masser avec de l'huile de Saint-Joseph. Bon, le frère fait ça, faute de mieux. Il prie en même temps. Et 9 jours plus tard, la blessure est guérie. Bon, ça serait resté secret si le frère en question n'avait pas envoyé, en France ou en Belgique, à une revue qui était quand même diffusée, le récit de cette guérison. Donc ça revient à Montréal, forcément, et plein de gens l'ont su. Alors là, ça a été le début de la célébrité de frère André, guérisseur. Et ça aussi, ça va lui causer des problèmes. Monseigneur Brucchesi va même tenir une commission d'enquête. Ah ben oui. Là-dessus. Ah mais oui, la hiérarchie s'est toujours méfiée à juste titre des gens qui guérissaient soi-disant miraculeusement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de faussaires, si l'on peut dire. Donc, comme maintenant dans d'autres endroits, quand il y a un miracle, la hiérarchie se méfie. Bon, il fit une enquête, Mgr Brucchesi, et il n'y a rien à voir, il n'y a rien de mal. Donc, on laisse frère André continuer. Saint-Joseph, vous parliez de l'oratoire, du début de ce projet. Un petit mot avant de parler de l'évolution du projet de l'oratoire sur Saint-Joseph comme tel. Il a une vénération, le frère André, pour Joseph. Pourquoi Joseph? Alors, on pourrait dire une chose. Il a perdu son père, il ne l'a jamais connu. Mais il a vécu avec sa mère suffisamment de temps pour bien connaître sa mère. Donc, il lui manque un père. Sa mère est une personne très croyante, qui lui a bien expliqué l'évangile, et le petit a retenu parfaitement. Dans l'évangile, il y a un papa, il y a un père, c'est Joseph. Et le petit Alfred fait un transfert, on dirait maintenant, sur la personnalité du Joseph de l'évangile. Ouais. C'est son père. Ouais. C'est son père, il se confie à lui. Le bon Dieu, c'est très loin. Joseph, bon, ben, c'est comme papa, il est bûcheron, menuisier, charpentier. Et il voudra offrir, dans cette grande dévotion qu'il a pour Joseph, il voudra lui offrir une basilique extraordinaire. Ça commence, vous le disiez, par cette ce premier oratoire, cette petite chapelle en bois. Quand est-ce que ça arrive dans sa tête et comment va se développer ce projet? Ça arrive dans sa tête peu à peu. D'abord, il est au Collège Notre-Dame. Le Collège Notre-Dame, c'est en face de la montagne. Et bon, il a l'intuition, comment c'est venu, on n'en sait rien, qu'il faut construire quelque chose à Saint-Joseph, en haut de cette montagne. Bon, malgré les supérieurs, il commence par trouver le moyen de construire cette petite chapelle sur un terrain que les pères avaient acheté parce qu'ils ne voulaient pas qu'on y installe des guinguettes. Mmh. Parce que c'était un endroit fréquenté par les Montréalais le samedi et le dimanche surtout. Donc, il installe la petite chapelle. Les gens viennent nombreux. Il faut agrandir. Et de fil en aiguille, il trouve toujours des amis pour donner de l'argent, pour donner de la main-d'œuvre et pour agrandir la chapelle, une plus grande, une encore plus grande, jusqu'à ce qu'on voit maintenant. Et quand il meurt en 37, où en est la construction de ce qu'on voit maintenant, de cette grande basilique? Eh bien, le soubassement est déjà construit depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et il y a des échafaudages, et la coupole n'est pas installée. Alors, un de ses derniers hauts faits, si l'on peut dire, c'est qu'on lui dit « Mais alors maintenant, comment on va faire ?» Alors, il répond « Si Saint-Joseph veut être couvert, il éveillera lui-même. » Et il organise une procession. C'était un de ses moyens de guérison, ça. Organiser une procession. Ouais. Et ça se fera, donc. Et ça se fait. Et on trouve l'argent pour construire le dôme. Quand il meurt, Françoise de Roy-Pinault, avec la population de l'époque, 1 million de personnes. Il y a beaucoup moins de monde à Montréal et au Québec à ce moment-là. 1 million de personnes viennent rendre hommage au frère André. Qu'est-ce qui, chez cet homme, touche tant les Québécois de l'époque? Alors, d'une part, c'est sûr, il a guéri beaucoup de monde de façon spectaculaire. Mais il a rendu des services incroyables en apaisant les gens. Il est capable de supprimer les angoisses. C'est une époque, les années 20 et 30, où il y avait un nombre considérable de chômeurs. Il est capable d'apaiser, de soulager, de supprimer l'angoisse de tous ces gens qui cherchent du travail et de leur donner l'instinct de démarche pour se construire du travail eux-mêmes. Ouais. Les gens qui sont guéris par Frère André sont des gens qui trouvent du travail et qui inventent leur travail et qui leur sont très reconnaissants. Des gens qui trouvent l'apaisement et la paix intérieure. Et ça, à travers toute l'Amérique du Nord, parce qu'il voyageait beaucoup. On le demandait à New York, on le demandait dans l'Ouest canadien, on le demandait en Californie. Ouais. Et il y allait. Et il se faisait des amis et on lui envoyait de l'argent. Il a été sollicité Rockefeller qui a donné de l'argent. Et puis il y aura ce legs, ce grand legs, on y revient, c'est incontournable, c'est très présent dans le paysage montréalais, cette basilique, ce qui va devenir l'oratoire Saint-Joseph, avec tout ce que ça veut dire. Ah, welcome, American tourists. Bonsoir, les poissons. Good evening, freaks and monsters. Bonsoir, les infirmes. I am pleased to see you. Je suis plissé de vous voir. I am delighted to see you. Je suis dilaté de vous voir. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Follow the guide. Suivez les guides. Et voici maintenant le fameux escalier de 5000 marches avec une travée au milieu pour ceux qui montent à genoux les bras en croix. Si vous réussissez à vous rendre en haut, c'est un miracle. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Follow the guide. Et voici maintenant la crypte. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 40 ans. Watch your step. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 5 ans. Follow the guide. Suivez le guide. Cigare, mets ça dans le bocal. Voici maintenant les corsets, les bretelles, les combinaisons du frère André. Tout est discret et de bon goût. Et voici maintenant le hall des miracles. The Miracle Mart. Le sketch que vous avez peut-être reconnu, sketch du groupe Les Cyniques sur la visite de l'oratoire Saint-Joseph en 1967. On reconnaît évidemment Françoise de Roy-Pinault, la touche sarcastique des Cyniques dans cet extrait. Mais au-delà de l'aspect caricatural, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine récupération? Je pense que c'est ça que Les Cyniques voulaient dire dans ce sketch-là. Une certaine récupération de l'Église catholique qui a rejeté au tout début le frère André, mais qui finalement le récupère assez superbement, financièrement entre autres. Oui, mais c'est pareil pour tous les saints. Les saints, en général, on ne les aime pas trop, ils sont gênants. La petite Bernadette de Lourdes, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire cesser tous ces gens qui venaient la voir. Saint-François d'Assise, bien plus tôt, il a été renvoyé par ses propres frères. Les saints sont gênants. Les saints font des choses qui gênent la hiérarchie et qui gênent le clergé. Ouais. Disons, les saints, ce sont des prophètes. Et les prophètes et les clercs, en général, c'est du monde qui ne s'entend pas. Ouais. Donc, on veut évacuer le prophète. L'évacuation du prophète est, par le clergé, c'est millénaire. Avec le côté un peu cynique qui fait, sans faire de jeu de mots, qui nous donne le sketch des cyniques et cet aspect mercantile que va finir par incarner le frère André. Oui, il y a un aspect mercantile, mais d'un autre côté, les gens achètent. Oui. Les gens y vont, les gens achètent. Parce que c'est un lieu, ou encore aujourd'hui, un des plus importants lieux de culte et de pèlerinage, l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, c'est le plus grand sanctuaire consacré à Saint-Joseph au monde entier. Et puis, les gens viennent. Et puis, même si on y va avec un ricanement, moi, je pense que quand on voit certaines personnes prier à l'oratoire, des gens de toutes les couleurs, moi, il y a aussi des Québécois pur laine, on ne peut pas rire. Les gens sont trop sincères. Ils expriment trop la détresse et la confiance que je pense que ça coupe le souffle au moindre ricanement une fois qu'on est sur place. Bouclons la boucle, Françoise Leroy-Pinault. On va revenir à cet extrait qu'on entendait au tout début de l'émission de Mgr Jean-Claude Turcotte qui parlait du long parcours du frère André vers la canonisation. Ça a été très long. Pourquoi ça a été si long? Il a fait des miracles quand il était vivant. Puis quand il est mort, il n'y avait plus de miracles. Alors, il faut un miracle. En général, il faut un miracle pour que quelqu'un soit canonisé. Pas de miracle, pas de canonisation. Et le miracle qui a perservi à la canonisation du frère André, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un petit garçon, je crois que c'est vers 1999, au seuil du 21e siècle, un petit garçon qui a été accidenté par une auto. Il est passé sous les roues d'une auto. Il n'est pas mort. Il n'aurait pas dû vivre. Et sa famille a invoqué frère André, et il est guéri. Il vit toujours, d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, il vit toujours. Alors ça a été reconnu par la science comme une guérison inexpliquée et inexplicable dans l'état actuel de la recherche. Ce qui a conduit, donc? Alors ça a conduit à la canonisation. En 2010. Françoise de Roy-Pinault, c'était fascinant. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Françoise de Roy-Pinault, qui, je vous le rappelle, est auteure de la biographie « Frère André, un saint parmi nous », publiée aux éditions Fides en 2010. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.